Exercice 6, page 120. A. Tu veux voir la suite? B. Il va pleuvoir cette nuit. C. Elle déménage loin de lui. D. Je l'ai regardé 8 fois. E. Ferme la porte et suis-moi. F. Ils font beaucoup de bruit le soir.